Lettre O du Dictionnaire des idées reçues. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christian. Dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert. Lettre O. Oasis, auberge dans le désert. Obscénité. Tous les mots scientifiques dérivés du grec ou du latin cachent une obscénité. Obus, servent à faire des pendules et des encriers. Octogénaire, se dit de tout vieillard. Octroi, on doit le frauder, voire douane. Odalisque. Toutes les femmes de l'Orient sont des odalisques, voire bayadères. Odéon, plaisanterie sur son éloignement. Odeur des pieds, signe de santé. Œuf, point de départ pour une dissertation philosophique sur la genèse des êtres. Offenbach, dès qu'on entend son nom, il faut fermer deux doigts de la main droite pour se préserver du mauvais œil. Très parisien, bien porté. Oiseau, désirer en être un et dire en soupirant « Ah, des ailes, des ailes » marque une âme poétique. Oméga, deuxième lettre de l'alphabet grec puisqu'on dit toujours l'alpha et l'oméga. Omnibus, on n'y trouve jamais de place. Ont été inventés par Louis XIV. Moi, monsieur, j'ai connu les tricycles qui n'avaient que trois roues. Opéra, coulisses de l'opéra. Paradis de Mahomet sur la terre. Optimiste, équivalent d'imbécile. Oraison, tout discours de Bossuet. Orchestre, image de la société. Chacun fait sa partie et il y a un chef. Orchite, maladie de monsieur. Ordre, l'ordre. Que de crimes on commet en ton nom, voire liberté. Oreiller, ne jamais s'en servir, ça rend bossu. Orfèvre, toujours l'appeler monsieur Josse. Orgue, élève l'âme vers Dieu. Orientaliste, homme qui a beaucoup voyagé. Original. Rire de tout ce qui est original, le haïr, le bafouer et l'exterminer si l'on peut. Orthographe. Y croire comme aux mathématiques. N'est pas nécessaire quand on a du style. Ours. S'appelle généralement Martin. Citer l'anecdote de l'invalide qui, voyant une montre tomber dans sa fosse, y est descendu et a été dévoré. Ouvrier, toujours honnête quand il ne fait pas d'émeute. Fin de la lettre O.